véritable entre l'histoire et les deux. La poupée russe, sa coquine est au rouge coquelicot. Un croquiné sur feuille blanche, l'histoire et les deux. La poupée russe, sa coquine est au ton bordeaux. Sa cousine s'y précédait, Marie-Laure cavalait contre elle. Elena, sa blesse, la première à larguer. En deux mots, Célestine pivotait, quant à Véro, sacrée variole. À coquiner, accablant l'histoire et les deux, la poupée russe, sa coquine est au rouge coquelicot. Un croquiné sur feuille blanche, l'histoire et les deux, la poupée russe, sa coquine est au tout bordeaux. Sa cousine s'y précédait, Marie-Laure cavalait contre elle. Elena, sa blesse, la première à larguer. En deux mots, Célestine bipodait, quant à Véro, sacrée variole. Pour elle prend des couleurs, belle du passé. Pourquoi prend des couleurs, est dépassée. Sa cousine s'y précédait, Marie-Laure cavalait contre elle. Sa blesse, la première à larguer. En deux mots, Célestine bipodait, quant à Véro, sacrée variole.